Tiens, Ludovic, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'attends Vanessa, ma copine. Vanessa Rousseau? La brune de la fac? Non, une autre Vanessa. Elle s'appelle Vanessa Godin. Elle est sympa, très mignonne. Ah ouais? Tu es amoureux, toi? Elle est comment? Rousse, de taille moyenne, bavarde. Et alors? Tu reviens vivre à Tours? Ben oui. Oh là là! Quel mystère! Non, non, il n'y a pas de mystère. Nous allons vivre ensemble, voilà. C'est pas vrai. Toi, le célibataire? C'est formidable! Félicitations! Merci, je suis vraiment content. Justement, Antoine, on fête bientôt notre installation dans le nouvel appartement. Je t'invite, il est génial. Avec plaisir. C'est où? Place Plumereau, au numéro 2. Ah, j'adore cette place! Bon, on m'attend. À bientôt alors! Salut!